Chapitre 7. L'attaque des carnivores. Le père Castelin ne s'était pas vanté. Il loua le pavillon des veneurs pour un prix minime, et le groupe Langres-Méral s'y installa avec diligence. On emporta, outre des meubles, tous les instruments et tous les produits du laboratoire. Cette installation en forêt offrait un double avantage. Il mettait le groupe à portée de la champignonnière et lui assurait une sécurité partielle contre les invasions des carnivores. Il n'était guère probable que ces groupes perdissent leur temps à fouiller les solitudes de Sylvestre. La proie se trouvait dans les villages. Pendant quelques jours, les servantes, Sabine et les hommes mêmes, fabriquèrent fiévreusement des conserves de champignons. Ceux qu'on destinait à la famille étaient préparés tels quels. Mais Langres, méfiant, avait fait ajouter des légumes à ceux qui devaient servir aux gens du village. « Il faut qu'ils croient à une recette, prétendait-il. Sinon, ils viendraient piller nos réserves. » Et je redoute aussi des indiscrétions, qui nous exposeraient à d'autres dangers. « Je ne crois guère aux indiscrétions, répliquait Sabine. La solidarité des groupes est trop forte. » « Et chaque groupe contient des êtres discrets par nature, qui dominent les autres, ajouta Méral. » Au village, le carnivorisme décelait de toutes parts ses symptômes. Après avoir accumulé des provisions à la villa, Langres et Méral résolurent de secourir les malades. Ils se présentèrent d'abord dans la maison du facteur, où le mal devenait périlleux. Le facteur, après une période de coma, montrait une exaltation de mauvais augure. Il reçut ses visiteurs d'un air sournois, et il fallut l'intervention de Sabine pour le décider à prendre le médicament. Les effets furent à la fois plus rapides et plus lents que dans la forêt. Plus rapides, parce que, après les premières bouchées, le facteur ressentit une sorte d'ivresse et raffola des champignons. Plus lents, parce qu'il fallut des doses considérables pour faire disparaître l'irritation. Appliqué aux autres membres du groupe, le remède se révéla infaillible. On traita successivement tous les habitants du village, sans un seul insuccès. Alors, il y eut un débordement de confiance. Les sorciers, comme on appelait familièrement Langres et Méral, acquirent une influence qui, dans le formidable mystère de l'heure, prit une allure religieuse. Cette influence s'étendit aux hameaux de Vanesse, de Colimard et de Rougue, qui étaient comme les forts avancés du village. Elle ne se répandit pas au-delà. Ainsi que l'avait prévu Sabine, les groupes gardaient le secret. Au reste, les communications étaient de plus en plus rares et pénibles. Les postes, le télégraphe, le téléphone ne fonctionnaient plus du tout. Des bruits lugubres se répandaient obscurément de bourgade en bourgade. On parlait d'invasion farouche. On attendait des événements formidables. Docile au conseil de Langres et de Méral, le village se fortifiait. Dans la forêt, le jardinier, aidé par un groupe de roches sur Yonne, avait barré les issues, étudié à fond les méandres de la champignonnière et des grottes. Langres et Méral préparaient des explosifs et, après avoir fait creuser des excavations, posaient des pièges mystérieux. Un mois s'écoula. Les craintes s'affaiblirent. Les gens jouissaient d'une santé plus stable qu'à l'ordinaire. Une nuit, Sabine, Langres et Méral furent tirés de leur sommeil par des détonations que la direction de la brise rendait plus persistantes. On dirait, fit Méral penché à une fenêtre, que cela vient de Rougue. Rougue était le hameau le plus éloigné du village, et jouxtait la forêt, à 3 kilomètres du pavillon des veneurs. La nuit était trouble. D'immenses nuées sillaient au-dessus des ramures. Une lune tragique transparaissait dans un chaos. L'ombre, tantôt cendrée et tantôt argentine, faisait palpiter étrangement le pays des arbres, dont l'âme émouvante semblait fuir à travers l'étendue. À chaque minute, l'émotion des veilleurs s'accroissait. Elle se communiquait au groupe. Le jardinier surgissait sur le seuil de granit. Le chien hurla frénétiquement. La chèvre bêla, et l'âne fit entendre son grand sanglot rauque, tandis que les oiseaux bruissaient dans les pénombres. « L'horreur approche, » chuchota Sabine. « Que faire ? » demanda Méral. « Aucun doute possible. Le hameau de Rougue était attaqué par les carnivores. L'intensité de la fusillade révélait la multitude des assaillants. « On ne peut pas les laisser massacrer ainsi, » reprit le jeune homme. « Il faut tenter quelque chose. » Langres regarda Sabine. « Oui, il le faut, » dit-elle. Toute la maison était éveillée, même les petits-enfants. « Ce sera inutile, » remarqua Gérard. « Il est certainement trop tard. » Comme pour confirmer ses paroles, la fusillade, après quelques sursauts, venait de s'éteindre. la forêt retomba dans son rêve. « Le drame est terminé, » murmura l'angre. « Mais comment ? » ?»« Par la défaite du hameau. »« Est-ce sûr ? » ?»« Et même en ce cas, devons-nous rester inactifs ?» demanda Miral. « Notre propre sécurité exige une reconnaissance. »« Je n'y verrai rien à redire, » reprit Gérard. « Seulement, une reconnaissance, c'est l'abandon complet du pavillon. Aucun de nous ne saurait franchir solitairement 3 kilomètres, ni même 2. » Essayons, j'irai en éclaireur. Le jardinier et son chien formeront un relais qui facilitera mes mouvements. Certes, je ne pourrai atteindre Rougue, et je ne le tenterai point. Ce serait risquer le sort de tout le groupe. Mais j'imagine que quelques-uns de ces malheureux ont pu fuir, et leur première idée doit avoir été de nous rejoindre. 2 minutes plus tard, Méral se dirigeait vers le hameau avec le jardinier et son molosse. La marche fut relativement facile d'abord. Elle devint difficile à 500 mètres du pavillon, douloureuse ensuite. Le jardinier s'arrêta au kilomètre, baigné de sueur. Méral continua sa route avec des palpitations et des étouffements. 1000 liens le tiraient en arrière, avec tant de force qu'il ne franchissait pas plus de 2 mètres par minute. À 1500 mètres, il s'arrêta, épuisé. Sa tête bourdonnait, déchirée par la migraine. Il ressentait par tout le corps des douleurs lancinantes. « J'aurais du moins fait mon devoir. » Malgré les énergies qui le repoussaient vers la maison, il attendit 10 minutes, l'oreille tendue. À la fin, il crut entendre des pas. Bientôt, il en fut sûr. 2 hommes et 1 femme accouraient dans la lueur cendreuse. « Ils courent, comment peuvent-ils courir ?» se demandait Georges abasourdi, car il les imaginait reliés à un groupe. Bientôt, ils furent proches. Dans le clair de la lune, apparu par une trouée des nues, Méral discerna 2 individus d'âge mûr, aux poils de sanglier, dont l'un rappelait confusément le roi Louis XI. La femme plus jeune avait le visage fou et funèbre. Ils reconnurent Méral et se mirent à pousser des plaintes grauques. « Ils ont tout tué !» criait la femme. « Et nous allons mourir !» Les hommes à leur tour clamaient plus fort. Leurs prunelles se dilataient comme des prunelles de chat. Un rictus dément retroussait leurs lèvres. On devinait que leurs organismes étaient détraqués par la rupture du groupe. « Tâchez de me suivre, » dit-il. Tous 4 se mirent à courir vers le pavillon. La course semblait une sorte de calmant pour les fugitifs de Rougue. Elle était un délice pour Méral. On retrouva le jardinier, qui, sans poser de vaines questions, se joignit au groupe, et le pavillon parut. Méral l'avait regagné en 1/4 d'heure. Il lui mit moins de temps encore sans ses compagnons. On mena les fugitifs dans la pièce qui servait de salon. Leurs faces semblaient plus hagardes, leur rictus s'accentuait. Il aurait été impossible de demeurer en place. Un des hommes allait de long en large près des murailles, un autre marchait autour d'une table. La femme piétinait avec des ressauts soudains, et leurs yeux décelaient une intolérable épouvante. De leurs récits hachés, balbutiés, chaotiques, il ressortait qu'une troupe nombreuse avait attaqué Rougue à l'improviste. Avant que les habitants eussent pu se reconnaître, les étables et les huttes à port avaient été démolis, les animaux tués ou blessés à coups de hache. Attirés par le bruit et plus encore par les liens qui les rattachaient aux bêtes, les gens de Roux s'étaient précipités dehors. On les avait accueillis par une fusillade nourrie. Les assaillants, d'abord massés autour des maisons, s'étaient rapidement égayés. On ne les voyait plus. Leurs tirs seuls, continus et meurtriers, indiquaient leur position. Ceux de Roux avaient essayé de répondre. Mais la surprise et une bravoure insolite, une bravoure de groupe, vertigineuse, les précipitait tous ensemble à l'assaut des ennemis. Leur perte, loin de les intimider, les rendait enragés. Tous, même les femmes et les enfants, continuaient leur course hasardeuse, dans l'espérance d'atteindre et de massacrer les assassins. Ceux-ci continuaient leur salve. Ils abattirent ainsi les 3/4 des assiégés. Alors, à l'exaltation succéda chez les survivants une fièvre épouvantée. Ils fuyaient pêle-mêle, au hasard, en reprenant plusieurs fois les mêmes circuits. Les assaillants les exterminèrent comme des biches dans une clairière. N'avaient-ils donc pas d'animaux avec eux ? Demanda Langres. Ils en avaient, répondit le plus âgé des fugitifs, qui se nommait Pierre Roussard. Nous les avons vus, mais on les maintenait à distance. Tactique nécessaire, remarqua Méral. Les animaux seraient plus facilement tués que les hommes, et le sort des hommes est lié au leur. La femme poussa un hurlement, leva ses 2 bras comme pour se raccrocher à quelque chose, et tomba d'un bloc. Elle ne remuait plus, elle était roide, les membres étendus. Sa chute entraîna mystérieusement celle de ses compagnons. Mais tandis que Pierre Roussard croulait dans un fauteuil, l'autre s'affaissait graduellement dans une encoignure, où il demeura recroquevillé. Une aura d'épouvante passa sur les âmes. Pendant une minute, Meral et Langre demeurèrent paralysés. Ce fut Sabine qui se pencha sur la femme et tenta de la ranimer. Le corps demeurait inerte, sans un souffle. « Elle est morte, » chuchota Georges. Le cœur ne battait plus. Un miroir posé contre la bouche ne décela aucune vapeur. Quant aux hommes, ils étaient évanouis. Pierre Roussard moins profondément que l'autre. « C'est la rupture du groupe qui l'a tué, » remarqua mélancoliquement Gérard. « Et eux ?» Il n'acheva pas. Une stupeur funèbre dilatait ses prunelles. Les tressaillements de la forêt évoquèrent des périls plus hideux que ceux des siècles où l'ours et le loup dévoraient le voyageur solitaire. Depuis quelques instants, le chien donnait des signes d'inquiétude. Dehors, les poules gloussèrent. Des pigeons et des passereaux voletaient dans le clair des nuages. La nervosité des bêtes se communiquait aux hommes. On percevait fluidiquement l'approche de quelque chose. Cette impression s'accrut. Bientôt, il fut évident que des êtres vivants se dirigeaient vers le pavillon. Le chien tantôt grondait, tantôt flairait fiévreusement les pénombres. Enfin, on commença d'entendre une rumeur sourde. Meral, Gérard et le jardinier se hâtèrent de fermer les issues tout autour du pavillon et s'armèrent. À travers les futaies, des formes humaines se profilaient. « Qui vive ?» clama Georges. « Des amis, » répondit une voix claironnante. « Nous sommes ceux de Colimard. »« C'est Jacques Franière, » fit le jardinier. « Qu'est-ce qui leur arrive ?»« Rien de rassurant, » dit Gérard. « Par ici, » cria Meral. On discernait maintenant une horde d'hommes, de femmes, d'enfants, de bétail, de chiens, d'oiseaux, de rongeurs. En tête marchait Jacques Franière, personnage athlétique, dont le buste en baril reposait sur des pattes de rhinocéros. « Quelle nouvelle ?» demanda le jardinier. « La campagne est envahie. Broche et Vanesse sont enveloppés, » riposta Franière. « Nous n'avons eu que le temps de fuir. » « Il y en a plus de 1000, » gémit lamentablement un individu blême. « Les a-t-on attaqués ?»« Pas encore, les brigands se tiennent à distance. » Des détonations lointaines interrompirent le paysan. D'abord faible et intermittente, elle devint furieuse. « C'est le village, » dit Franière, l'oreille tendue. Un long frémissement passa dans les groupes. Les bêtes même haletaient, subitement pénétrées par la terreur des hommes. Un immense désespoir planait. « Organisons la défense, » fit Langre. Sa voix était impérieuse, elle empruntait à la circonstance une force tragique, et les Russes en subissaient l'ascendant avec une docilité superstitieuse. Il reprit après une pause. « Il faut cacher les femmes et les enfants. Il faut aussi cacher les animaux. Ils sont trop faciles à atteindre. Leur mort nous affaiblirait dangereusement et menacerait nos existences. »« Il manque pas de caves, heureusement, » fit le père Castelin. « Les hommes se dissimuleront derrière les barrières. » Les murailles et les retranchements, poursuivit Langre. Où sont les bons tireurs ? Jacques Franière et trois autres hommes s'avancèrent. D'autre part, le jardinier avait braconné. Meral s'était passionnément exercé au tir pendant son adolescence. Il faudrait un détachement dans la champignonnière, dit Georges. Les rustres s'entre-regardèrent indécis. Tous désiraient rester auprès des sorciers. Il le faut, reprit le jeune homme. Jacques se décida. Ce sera nous, dit-il. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Vous dissimulez d'abord avec soin et ne pas bouger. Vous connaissez l'endroit, il vous sera facile de demeurer invisible jusqu'au signal. Quel signal ? Quand la cloche du pavillon se mettra à sonner, vous ferez une attaque à coups de fusil sans quitter le couvert. Si la cloche ne fonctionnait plus, je la remplacerai par une sonnerie de trompe. Le groupe de Franière écoutait peureusement. Vous ne courez pas plus de danger que nous, intervint presque rudement Langre. Au contraire. Nous avons tous intérêt à vous exposer le moins possible. » Ces paroles du vieux sorcier, le plus redoutable aux yeux des paysans, furent décisives. Le groupe se dirigea vers la champignonnière. Un silence morne succéda à ce départ. La forêt même parut plus immobile. La brise s'était éteinte. Un vaste nimbus couvrait la lune et ne laissait filtrer qu'une lueur chétive. Des vapeurs pâles flottaient parmi les ramures. On discernait de rares étoiles au fond de citernes creusées dans les nuages. Pas d'autre bruit que celui de la fusillade lointaine. Cependant, on abruta les bêtes, les femmes et les enfants. Guidés par Langre, Meral et le jardinier, les tireurs avaient choisi leur poste. Les munitions ne manquaient point, ni les armes. Outre les fusils apportés par les paysans, le pavillon contenait tout un attirail de revolvers, de carabines, de pistolets et de cartouches. On distribua aux mauvais tireurs les armes inférieures et les munitions suspectes. Langre et Meral disposèrent des pétards qui devaient corser la fusillade. Ils tenaient prêtes aussi des grenades qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes et qu'on devait lancer à la main au cas où les ennemis tenteraient un assaut. Mais les ennemis y viendraient-ils? La forêt, où pouvaient se dissimuler tant d'embûches et qui offrait si peu de ressources, ne devait guère tenter les bandes carnivores. Elle la dédaignerait presque sûrement, si elle ne s'était pas aperçue de la fuite des habitants de Colimard. Une heure se passa. Rien ne décelait un danger prochain. Encore que les chiens, les oiseaux et le bétail montrassent de l'agitation. Mais cette agitation pouvait être attribuée à l'inquiétude des hommes, qui se propageaient fatalement aux frères inférieurs. L'attaque du village passait par des péripéties que signalaient les pulsations de la fusillade. La défense est énergique, remarqua Langres, qui examinait avec Georges un jeu de commutateurs disposé à l'arrière du pavillon. C'est une chance pour nous. Oui, si les bandes sont fortement concentrées. Mais il y a sans doute de l'incohérence, et les difficultés du siège peuvent décider une partie des assiégeants à chercher fortune ailleurs. Depuis un moment, l'agitation des animaux devenait tumultueuse. Les chiens grondaient ou poussaient de brusques abois. Les chevaux montraient cette surexcitation qui leur est particulière. Des oiseaux voletaient éperdument. Deux hiboux faisaient entendre des plaintes fantastiques. Les coqs chantaient. Puis les chiens hurlèrent tous ensemble et les chevaux hennirent. Un souffle de panique passa. « Ils arrivent !» cria un adolescent hagard en brandissant un vieux revolver. L'épouvante se répandit subitement d'âme en âme. Mais Langres dit, avec une gravité imposante, « Le courage nous sauvera !» Dans cette foule, que la force mystérieuse rendait 100 fois plus hypnotisable que les foules normales, une confiance impérieuse succéda à la terreur. « Chacun à son poste, continua le vieillard. Vous n'ouvrirez pas le feu avant que j'en aie donné l'ordre. » Les lumières s'éteignirent une à une. Le pavillon et ses jardins ne reçurent plus que la lueur changeante du ciel. Les hommes occupèrent les positions qui leur avaient été assignées. Armés de fusils à longue portée, Méral et Langres demeurèrent dans le pavillon, à proximité des appareils. La détresse était comme reléguée au tréfonds de l'inconscient. Les deux hommes concevaient mieux que par l'intelligence, par tout leur instinct et par tous leurs sentiments, que l'émotion devait être abolie. Et pendant l'attente, ils vérifiaient leur dispositif. Ils prenaient les mesures suprêmes. On commençait à percevoir des voix sourdes, des grondements de bêtes, des piétinements. Cela venait de l'ouest, mais à mesure la rumeur se propageait au nord et au sud. Méral discerna le premier des silhouettes verticales. Elles s'avançaient avec lenteur, incertaines et prudentes. Elles se multipliaient. Bientôt on en compta une 50aine, vite renforcées par d'autres qui arrivaient obliquement. À l'arrière on entrevoyait à l'œil nu et on apercevait distinctement à travers la lunette des profils d'animaux. Soudain les éclaireurs s'arrêtèrent et leur arrêt détermina progressivement l'arrêt de tous ceux qui suivaient. Ils aperçoivent le pavillon fuméral. L'arrêt dura plusieurs minutes, puis un enveloppement lent commença. Continuellement, les individus venus de l'arrière s'écoulaient vers la droite et vers la gauche. Ce mouvement, net pour Langres et Méral, demeurait assez vague pour les autres hôtes du pavillon, moins bien postés, et qui ne voyaient qu'à l'œil nu. Tous devinaient pourtant que l'ennemi s'apprêtait à les cerner. « Ne vaudra-t-il pas mieux ouvrir le feu maintenant ?» grommela Langres. « La surprise pourrait déterminer une panique. »« Sans doute, » répondit Méral. Mais outre qu'il serait regrettable de tuer sans provocation décisive, une panique peut être suivie d'une réaction. « Comme tu voudras, mon fils, » répondit le vieillard, « je partage tes scrupules. Mais il deviendrait blâmable s'il compromettait la sûreté des nôtres et de ceux qui ont accepté notre commandement. » Il s'interrompit. Il dirigea sa lunette vers le sud, où se formait un rassemblement compact. Soudain, ce rassemblement se porta vers le pavillon. Puis une colonne déboucha au nord, appuyée par deux groupes à l'ouest. Méral et Langres les regardaient venir, tout pâles. « Pour la vie ou la mort !» chuchota Gérard. Méral détacha son fusil, tandis que le vieillard tournait rapidement des commutateurs. Des fanaux dardèrent leurs raies électriques. Surprises par ces lueurs brusques, les masses ennemies s'arrêtaient ou tourbillonnaient. Des détonations crépitèrent. Elles ne pouvaient atteindre personne. « Feu !» ordonna Méral. Une salve retentit dans les futaies profondes. 4 ou 5 assaillants tombèrent. Les autres s'abritèrent derrière les arbres et les buissons. « Cessez le feu !» Les fanaux s'éteignirent. Un silence noir que les animaux même n'interrompaient point pesa sur le site. À peine si l'on percevait dans la direction de Roche le bruit d'une fusillade expirante. Ce silence dura plusieurs minutes. Puis des ordres mystérieux circulèrent. La forêt s'illumina de la déflagration des poudres. Un ouragan de balles s'abattit sur le pavillon. « Couchez-vous, couchez-vous !» clamait Georges, lui-même abrité derrière une cloison épaisse. Les fanaux se rallumèrent. Leur lueur aiguë dénonçait les embûches et les défenseurs du pavillon ne tiraient que par intermittence, d'autant plus invisible que l'éclat des fanaux, distant des retranchements, aveuglait et trompait les agresseurs. Parfois, un cri sauvage, une plainte retentissante, annonçait des blessures ou une agonie. Parfois aussi, une clameur unanime accusait la fureur des astiégeants. Jusqu'alors, aucun homme de Colimar n'était atteint, tandis que les hordes ennemies comptaient plusieurs morts. Méral avait d'abord hésité à commettre l'homicide, mais les péripéties du combat, l'hypnose du péril, les sentiments solidaires dispersaient ses scrupules. Favorisé par la position, par la manœuvre des fanaux et par son adresse naturelle, il avait abattu plusieurs adversaires. Le vieux jardinier comptait 3 victimes. 4 autres tireurs se montraient redoutables. Morts et blessures retentissaient physiquement sur les groupes carnivores. Elles causaient des douleurs ardentes et une sorte d'ivresse sombre qui s'exhalait en hurlements. Il y eut une trêve. Les carnivores s'immobilisaient derrière les arbres ou dans les buissons. On continuait à entendre leurs plaintes ou leurs menaces. « Quelque chose se prépare, » murmura Méral. Il éteignit les fanaux. Sous les nuages épaissis, les ténèbres tombèrent, comme un bloc. La brise tirait des cimes un bruit de source. Bientôt, le sentiment d'un danger nouveau fit courir, à travers les groupes, un frisson collectif, qui peu à peu devenait intolérable. Un des fanaux se ralluma et se mit à tourner, lentement. Sa lueur violette pénétrait à travers les ombres, comme un faisceau de glaives. Et l'on put voir au nord un chariot dételé qui s'avançait, chargé de fourrage et de feuilles. Il roulait pesamment, mû par une force invisible. Tout de suite, l'Angre et Méral devinèrent. Les carnivores allaient tenter de faire sauter le pavillon. La manœuvre devait leur être assez familière, puisqu'ils la pratiquaient en forêt. Elle convenait d'ailleurs aux habitations solitaires. Graduellement, l'attention des astiégés se fixait sur cette machine énigmatique. Elle n'inquiéta guère d'abord. Puis, des souvenirs se levant dans les crânes, quelques tireurs commencèrent à comprendre. Un frisson se propagea de proche en proche. Les chiens aboyèrent avec frénésie. Castelin et Bouvera, tirez sur le flanc et dans les roues, recommanda Méral. À la gauche du pavillon, une fusillade nourrie crépita. Les astiégeants répondirent par une rafale de balles, et le chariot continuait sa marche lente. Gêné par le tir de Castelin, de Bouveroy et de Méral, il avait obliqué à l'abri d'un bouquet de jeunes hêtres. Il reparut bientôt vers la droite, où, protégé par un feu violent des carnivores, il cheminait avec plus d'aisance. Ceux qui le poussaient demeuraient invisibles. « Aux roues !» répétait Georges. Les roues avaient dû être atteintes, mais leur fonctionnement n'en était point troublé. À la longue, le chariot se trouva à 100 mètres des tranchées. « Les grenades au commandement !» clama Langre, tandis que la voiture débouchait sur un espace découvert. Elle avançait plus vite. Méral darda sur la gauche la lueur de plusieurs phares, ce qui guida la fusillade et détermina une embardée du véhicule. « Ils y arrivent !» dit le jeune homme à l'oreille de Langre. La clameur des carnivores devint triomphale. Sidérés par l'approche de la péripétie, les défenseurs du pavillon haletaient. Une fois de plus, les lueurs disparurent. Méral chercha un commutateur et le tourna d'une main nerveuse. Alors des flammes livides jaillirent du sol. Une explosion secoua la forêt. La terre trembla et se fendit. Des fumerolles s'élevèrent et le chariot croula dans les ténèbres. « Vive les sorciers !» hurlaient des voix stridentes, tandis que 3 ombres éclopées sautelaient sur le terreau. Une seule parvint à fuir. Castelin et Bouveroy abattirent les 2 autres. Le chariot brûlait. La flamme, d'abord rampante au sein des vortex de fumée, s'élançait par lames d'écarlate, par dentelures de cuivre, par lourdes ondes de pourpre. Elle projetait dans les futaies et sur le pavillon sa vie formidable, puisée au fond mystérieux des forces, dans les abîmes du monde créateur, dans l'enfer insondable des atomes. Un tonnerre la crevassa. Des hêtres craquèrent. Le chariot se répandit en miettes étincelantes, jusqu'à la cime des ramures et les vitres de l'habitation s'effondrèrent. Les bombes qui nous étaient destinées, fit Gérard. L'événement bouleversait jusqu'au tréfonds l'âme des paysans. La foi était en eux, qui les remplissait de bravoure, qui les asservissait à la volonté de Langre et de Méral, et par sa répercussion dans les groupes, cette foi atteignait une puissance d'unanimité surnaturelle. Les carnivores regardaient, aux lueurs de l'incendie, le pavillon pâle et les jardins roussis. D'obscures légendes germaient dans leurs crânes et les terrorisaient. Puis, en un sursaut de rage, une rage qui naissait de l'impression physique des pertes subies, ils exhalèrent un gémissement fantastique, où se confondaient la douleur et l'exaltation, la voix de l'homme et la voix de la bête. Ce fut comme le déchaînement de la mer. 100 hommes frénétiques se ruaient à l'assaut du pavillon. « Feu !» avait clamé Langre. Méral tirait sans arrêt. Dans la masse, chacun de ses coups portait. Castelin, Bouveroy, tous les hommes valides accéléraient la fusillade. Mais l'élan des carnivores parut invincible. On voyait, à la lueur des phares, le déferlement des faces, les yeux fluorescents, les bouches hurlantes. Une fatalité obscure menait ces hommes et les rendait semblables aux éléments. « Préparez les grenades !» avertit le vieillard. Il tournait un commutateur. Des fumées ardentes jaillirent de la terre. 12 à 15 hommes furent projetés avec l'humus, les racines et les plantes. Les autres bondissaient comme des loups, des sangliers ou des léopards. L'un de mugit « À l'assaut !» Ce fut la minute de la vie et de la mort. Le feu des défenseurs s'accroissait encore. La cloche du pavillon se mit à tinter, lentement d'abord, comme un glas, puis à grande coupetée. Déjà les plus rapides des agresseurs arrivaient à 10 mètres des retranchements. Langre commanda « Lancez les grenades !» Les gars de Colimard s'étaient dressés. L'un d'eux, avec un « an », fit tournoyer son bras et lança une première grenade. Plusieurs autres suivirent, qui traçaient des paraboles lumineuses. Toutes éclatant avec un bruit aigu, crevaient les poitrines, ouvraient les ventres, broyaient les os, emportaient des lambeaux de chair et des fragments de membres. Des plaintes épouvantables s'élevèrent. La terreur ralentit l'élan des carnivores. Mais l'arrière-garde, moins surprise, et qui comprenait mal, continuait à bondir. Dès qu'elle vint à portée, les grenades la sillonnèrent. Elles emportaient des rangées d'hommes, on vit des crânes rouler sur le sol comme des boulets. Et les coupetés de la cloche, les raies aveuglants, des fanaux rendaient la scène plus sinistre. « À l'assaut !» répétaient des voix démentes. Les futaies crépitèrent, une fusillade sortit des pénombres sylvestres, tandis que la grande voix de Franière retentissait comme un mugissement de taureau. Ce fut la panique, une clameur surhumaine, des rauquements d'épouvante, de longues plaintes poussées par les femmes, les enfants et les animaux laissés à l'arrière. Et les carnivores s'éparpillèrent dans le pays des arbres. « Faut-il poursuivre ?» demanda Méral. Langre ne réfléchit qu'une minute. L'arme collective était en lui, qui lui dérobait le péril. « Il le faut, dit-il. » Bientôt, les groupes de colimards et les habitants du pavillon sortaient en masse. Pour rendre la poursuite plus émouvante, des hommes soufflaient dans des trompes ou des clairons décrochés aux murailles. Une musique rauque et folle se répandait à travers les futaies. Mais la course était lente, quoiqu'on eût hissé les blessés et les enfants sur des chevaux et des bœufs. Toutefois, on rattrapa quelques traînards éclopés, que les paysans fusillèrent sans miséricorde. Ensuite, on découvrit des hommes, des femmes, des enfants et des bêtes qui se roulaient sur le sol, pris du mal qui avait tué la paysanne de Rougue. Méral et Langre défendirent de les achever. D'ailleurs, un événement considérable hypnotisait les âmes. Le village était proche. On apercevait des feux épars, le grouillement d'une multitude. « Halte !» cria Méral. « Et silence !» Il monta sur une manière de tertre et, à l'aide de sa lunette marine, scruta l'étendue. Dès la première minute, il constata que la défense du village était acharnée. Si les agresseurs avaient pu s'emparer de 2 fermes solitaires à l'extrême sud, les retranchements tenaient bon et les assauts avaient été énergiquement repoussés. L'attaque actuelle manquait de vigueur et de consistance. Une diversion propice jetterait sans doute le désordre et le découragement parmi les carnivores. On pouvait approcher à couvert, vers l'Orient, et attaquer l'adversaire du haut d'une crête. Quand il eut examiné à fond les positions des adversaires, Méral descendit du tertre, et attirant Langre à l'écart, il lui exposa son plan. Gérard l'adopta résolument. Il vivait dans un rêve lucide, qui élargissait toujours davantage le sens de la personnalité. La peur était abolie. Le péril devenait une sorte d'abstraction. Cet état d'âme, qui n'excluait pas la prudence, se retrouvait dans tous les groupes. Les enfants et les femmes même subissaient une hypnose collective, qui supprimait la sensibilité coutumière. Quand Langre donna ses ordres, il ne rencontra aucune hésitation. Les hommes se mirent en marche avec une sérénité fataliste. Ils atteignirent la crête sans rencontrer d'obstacle. Toute l'attention des carnivores se concentrait sur le village. Leurs bêtes, même, lasses de tant d'alertes, affolées par les incohérences de la bataille, ne manifestaient qu'une inquiétude incertaine. Les vaincus de la forêt avaient obliqué vers le nord. Le désordre prédominait. Pourtant, ces hordes farouches avaient une manière d'organisation, pratiquaient certaines tactiques ou certaines ruses, mais leur expérience était courte et l'instinct les conduisait plutôt que l'intelligence.